Le peintre réfléchit. J'ai cru un instant qu'il cédait. Mais rien n'est têtu comme un peintre. Arrange-nous autrement. La voiture peut me laisser à hauteur des muscadelles. Je prendrai ma sonnaille et ferai le reste de la route à pied. Vous aurez tort d'ailleurs, car, en fait d'arlésienne, j'en connais bien peu d'aussi charmante que la fille de Maître Bermond, Mademoiselle Bermondette. Bermondette? Eh oui, Bermondette, dont tu connais les chansons, et qui fut, tout d'une voix, proclamée reine aux dernières fêtes que donnèrent les Provençaux. Reine? En ces temps de bienheureuse égalité, on n'a pas souvent occasion de saluer une reine. Cette considération aurait suffi à nous décider. Et sans compter, ajouta le peintre astucieusement, sans compter que les habitants des Muscadelles sont les meilleurs gens du monde et que Maître Bermond a dans sa cave pour les amis du vin des vieilles vignes mortes, un vin comme on n'en fera plus. Nous voilà donc partis, au trot de nos deux camargués, à travers la plaine partout jaunissante, car c'était le temps des moissons. Des myriades de cigales, mises en gaieté par la chaleur du jour, s'égosillaient sur les arbres poudreux de la route, se taisant un moment au passage de la voiture pour recommencer aussitôt de plus belle et rattraper le temps perdu. Et cette chanson, partout sonnante, avec son rythme frénétique, son battement monotone de musique arabe, semblait, sous les ciels incendiés, être la voix même de la terre. Enfin, on arrive aux Muscadelles.